birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 3, 2, 1, allez! Encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Encore une bougie de soufflé, encore une année passée. C'est l'anniversaire d'Hugo, le plus beau des héros. Il est devenu grand pendant le confinement. Je fais plein de bisous à cet homme tout calinou. Allez, à ton tour, Samson. Dis quelque chose. Ouf, bouhou. Bah allez, bisous, bon anniversaire, Maokai. Bah, joyeux anniversaire, mon petit Hugo. J'espère que... Je te souhaite déjà beaucoup d'amour et j'espère que... Tu t'imagines bien que tu pourrais être en train de fêter ça avec... plein de gens, dans un bar. Beaucoup de musique très fort. Bien t'enjailler. Et que finalement t'es chez toi, mais je te souhaite quand même beaucoup d'amour, beaucoup de réussite et beaucoup de bonnes choses dans cette nouvelle année. Gros bisous. Coucou Hugo, c'est Julien. Je voulais te souhaiter un très bon anniversaire et faites ça bien avec des carreaux s'il t'en reste. Bisous. Mon cher Hugo, mon copain, mon poteau, pour la deuxième fois de l'année, et comme tous les ans, je te souhaite un joyeux anniversaire. Car cette blague du 10 mars dure depuis trop longtemps et je n'arrive jamais à m'y faire. Je te souhaite tout le bonheur que quelqu'un puisse trouver et que ta barbe ne soit jamais mal taillée. Je te fais un maximum de bisous sur les joues, sur le nez et dans le cou. Enfin bref, partout. Joyeux anniversaire Hugo, ton ami pour toujours, Loyo. Hugo, happy birthday. Happy birthday to you. On s'arrête là. écoute, on pense bien fort à toi. Cet appel n'est pas un appel que l'on fait par inadvertance. Si toutefois le mot inadvertance ne te rappelle pas de souvenirs, contacte-nous, on te rafraîchira la mémoire. Gros, gros bisous. Oui, bisous, à bientôt. De nous deux, bye bye. Enchanté, Hugo, nous ne nous connaissons pas, mais j'ai ouï dire que vous faisiez de très belles épiphanies. Je vous souhaite donc un agréable... Et bon joyeux. Joyeux anniversaire, mon douleur, en espérant que pour cette nouvelle année, tu gardes encore ta dalle pour les jeunes caissières du Super U. Bisous. Salut, ma belle blonde vénitienne. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Prends bien soin de ta barbe. Gloria laus excetera. Gloria laus excetera. Gloria laus. Etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Un anniversaire, Hugo Soulard. Et joyeux anniversaire à la plus belle de toutes les marquises. J'imagine que cette année encore, tu auras passé le reste de ta vie avec toi-même. Et ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes l'amour incarné. Bisous. Bonjour, monsieur Hugo Soulard. Pour ton anniversaire, je t'ai fait un petit oups.mp3. Bisous! Joyeux anniversaire, Hugo. Perlin ? Perlin ! Sacrebleu, Perlin, où êtes-vous ? Ah, vous êtes là, Perlin, juste derrière le sapin. Eh bien, joyeux anniversaire, Perlin. Ce soir, dans la catégorie « Le fils préféré » de José Tarot et Alain Sounard, les nominés sont Hugo Soulard. Hugo Soulard. Hugo Soulard. Et le regagnant est Hugard Soulot. Bravo, on l'applaudit très fort. Merci à vous. Et on lui souhaite un très bon anniversaire pour ses 27 ans. On l'embrasse. Allô, 25 avril, anniversaire d'Hugo. Eh bien, Hugo, je te souhaite un très, très bon anniversaire. J'espère que tu ne souffres pas du confinement et que tu pourras vadrouiller et faire ce que tu veux bientôt. Je t'embrasse, à bientôt, et je te passe papy. Oui, allô? D'accord, ben, je lui souhaite un bon anniversaire, et puis bien qu'il trouve du boulot ben, qui lui plaise, et dans la boîte. A vu Gavo, j'aveux ma veu, sa vuit, raveux ma vis à veu, avo, java va vanave, pavour va vous, savouer ta vé, avin, j'avoy à veu, zavan à vie va vers sa veu. Save à vie pas vers, d'avi favis la veu, avalavor, j'aveu, vave, paveu, t'avet, traveu, ave, cavour, t'ave, save, mave, sava, j'aveu. J'aveu, va vous, zavan, brava, saveu. Ave, j'avan, brava, saveu, t'avou, laveu, mavon, d'aveu. Cavi, cavi, cavon, pravan, saveu, mave, sava, j'aveu, avant, java, vavanave. Gravo, bavi, savou. Mavon, fraver, aveu. Zbr, zbr. Mon frère, mon doux, mon doulard, mon doux lardon, à vue Gavo, Hugo, mon petit frère. Oui, car contrairement à ce que vous aimez raconter, vous êtes mon petit frère. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Et pour votre anniversaire, je vous souhaite tout plein de fromages différents. Des falafels avec de la sauce blanche. Plein d'épisodes de Stargate. Des jeux en ligne avec vos copains. Des gros câlins de maman chat. De multiples visionnages de la momie, parce qu'elles sont vraiment trop marrantes, les momies qui se prennent pour Spider-Man. Je vous souhaite des petits roms arrangés. Des belles chemises. Des carnavals, des tatous. Des épiphanies très sincères. Et surtout, tel un Hugo Soulard tout pété qui veut embêter sa grande sœur pendant qu'elle conduit, je vous fais des bisous, et je vous souhaite un très joyeux anniversaire. En ce dimanche 25 avril 1993, un bonheur inouï est arrivé. J'ai eu la joie d'être papa pour la deuxième fois, le plus heureux des papas. Tu es né, et je t'ai pris dans mes bras, et tu m'as fait pipi dessus. Je t'ai trouvé très drôle, à la fois angelot et diablotin. Petit garçon, à la voix suraiguë, tu étais la bienveillance incarnée, enrobée de joie de vivre et de taquinerie. Enfin, et de bonheur heureusement pour nous, tu as mué. Enfant, tu chantais faux. Adulte, tu chantes faux. Toujours gentil, généreux et attentif aux autres. Un massage, un petit mot doux. Tu aimes jouer avec les mots. Tu étais si à l'aise au théâtre et tu excellais en match d'impro. Plus tard, quand tu n'étais pas en fiesta, c'était bricolage avec les copains dans la grange. De grandes tablées et le poulet du dimanche qui restera une tradition à la maison.

Le 25 avril 1905, c'est également la naissance de la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO. Le 25 avril 1935, c'est également la première communication téléphonique autour du monde. Et nous avons même peut-être un petit extrait. Et une dernière chose, quand j'aurai tué ma victime, je la jetterai à l'eau. À l'eau? À l'eau? À l'eau? Et pour finir, nous célébrons aujourd'hui la libération de l'Italie, également connue sous le nom de Fête de la Libération. C'est l'anniversaire de la Résistance. Tous les 25 avril, en Italie, sont fériés et on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazie. Nous te souhaitons un anniversaire de qualité supérieure. Nous te souhaitons un anniversaire de qualité supérieure. Hugo, tu partages aussi ton anniversaire avec plusieurs personnalités. Tout d'abord, Louis IX, qui est né le 25 avril 1214. Louis IX, dit Saint-Louis, roi de France. 25 avril 1917, également l'anniversaire d'Ella Fitzgerald, chanteuse américaine. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Jean Carnet, l'acteur français, est également né le 25 avril, tout comme le copapa de Astérix, Albert Uderzo. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non ! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. En garde, Gaulois ! Défends chèrement ta vie ! Je suis à vous tout de suite, hein. Ça. Vous êtes nouveau ici? Oui, en fait, on vient d'être muté dans le coin. Oui, c'est pour ça. Parce que cette potion est une potion magique que nous prépare notre druide et qui développe considérablement notre force. Le réalisateur Bertrand Tavernier est également né le 25 avril, tout comme un des mecs d'Abba, Björn Ulvaeus. Ouais, bon, c'est du suédois, quoi. Mamma mia, here I go again. Également, l'ancien homme politique et le petit coquinou DSK partage aussi ton anniversaire puisqu'il est né le 25 avril 1949. L'actrice oscarisée Renée Zellweger partage également ton anniversaire puisqu'elle est née le 25 avril 1969. Louis de Bourbon, chef de la branche aînée de la maison des Bourbons, donc la personne qui revendique le trône de France, est également née le 25 avril 1974. Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Et plus récemment, nous avons Karine Ferry, l'animatrice télé, qui est née le 25 avril 1982, et quelqu'un qui est né exactement le même jour que toi, le 25 avril 1993, c'est le footballeur Raphaël Varane. Raphaël Varane, flot ouvert, on est ensemble. Voilà Hugo, je te souhaite un très joyeux anniversaire, j'espère que tu seras satisfait des personnalités avec qui tu partages ton anniversaire. Je t'embrasse très fort, des bisous. Des bisous. C'est la chronique santé de Tata Lolo. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique santé de Tata Lolo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette journée un peu spéciale d'anniversaire. On vous dira à la fin de l'émission de qui il s'agit. Et pour cela, aujourd'hui, une bonne recette avec... Là, on va faire rager les végétariens. Je ne parle pas que pour moi. Mais on va se souvenir d'une recette d'une personne qui m'avait assez étonnée. Vous la connaissez peut-être, la saucisse de Francfort roulée dans du fromage et du bacon. Elle est exceptionnelle. Elle va vous faire suer, elle va vous faire dégouliner. Voilà. Donc, très simple recette. Hein. On aime quand c'est simple. On aime quand ça va vite. Et quand c'est chaud. Et quand ça cuit. Alors, vous prenez votre saucisse. Vous la prenez, là, bien en main. Vous la mettez dans votre plat. Prenez votre fromage, paf, vous balancez le claquos dessus, paf, faut l'enrouler. Bon, vous y allez doucement quand même, pas trop de paf, faut qu'elle soit... faut qu'on prenne soin d'elle. Vous prenez le bacon, des petites tranches de poitrine fumée, vous enroulez. Alors là, vous l'enroulez, la saucisse, le fromage, tout dedans. Je ne veux plus voir un bout de saucisse qui dépasse, elle doit suinter le bacon par-dessus. Vous mettez ça au four, paf. Il fait chaud, il fait bien chaud dans le four. Voilà. On sait pas combien de temps, peut-être 10, peut-être 15, je sais pas, vous, comme vous le sentez, comme quand vous avez envie de manger une bonne saucisse chaude. C'est chaud, vous sortez le plat du four. Bon, faut laisser refroidir un peu, hein, on va pas y aller la langue brûlée. Et puis, bah, vous dégustez si vous appréciez et vous vous souvenez de, que c'est l'anniversaire d'Hugo Soulard aujourd'hui et vous le remercierez infiniment pour cet intense moment de gras et de plaisir dégoulinant. Et on l'embrasse bien fort, Hugo Soulard. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de la Radio Bon Con. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique avec Tata Lolo. Ciao, ciao! C'est la chronique santé de Tata Lolo. Dégalekatan, dégalekatan, doulard, doulard. Dégalekatan, dégalekatan, doulard, doulard. Dégalekatan, dégalekatan, doulard, doulard, doulard. Doulard masqué, ohé, ohé. Il danse, il danse, il danse, doulard masqué. Il ne va pas s'arrêter, ohé, ohé. Bien danser, danser, danser, danser, danser. Pendant toute l'année, on prépare ton anniv. La duchesse du carnaval. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. La duchesse du carnaval. Aujourd'hui, tu fais ce qu'il te plaît, te plaît. Devinez, devinez, devinez qui il est. Derrière son loup, il fait ce qui lui plaît, lui plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, c'est ton anniv. Doulard, doulard masqué, ohé, ohé. Il danse, il danse, il danse, doulard masqué. Il ne va pas s'arrêter, ohé, ohé. Happy birthday, birthday, birthday, birthday, birthday. Doulard, happy birthday to you. Douls, douls, douls, douls, douls, douls. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je te souhaite ton birthday. Douls, douls, douls, douls, douls, douls, douls. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je te souhaite ton birthday. Hugo Soulard, douls, Hugo Soulard, douls. Je te souhaite ton birthday car le monde est assez fin. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je te souhaite ton birthday. Hello, I am the queen of kingdom et je te souhaite ton birthday. I am the queen of kingdom et je te souhaite ton birthday. Je souhaite ton birthday because the world is perfect. I am the queen of kingdom et je te souhaite ton birthday. Je suis la reine d'Angleterre et je te souhaite ton birthday. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom, un prénom, un prénom, un jour. Un jour, un prénom. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Un jour, un prénom. Aujourd'hui, le prénom dont nous allons parler est le prénom Hugo. Alors, Hugo, c'est un prénom d'origine germanique, hein, du germanique Hug, qui signifie esprit, pensée ou même intelligence. On souhaite leur fête au Hugo le 1er avril, et non, ce n'est pas une blague, à l'occasion de la Saint-Hugues. Alors, on va parler des caractères des Hugo. Les Hugo sont des personnes d'une grande sensibilité, repoussant toutes les situations conflictuelles. Ils préfèrent de loin la méditation plutôt que le conflit. Ce sont des personnages droits dans leurs bottes, et ils demandent beaucoup à leur entourage. Ils font également preuve d'une grande sagesse, ce qui leur permet de toujours donner de bons conseils. Bienveillant, Hugo fait très attention aux personnes qui l'entourent, même s'il ne les connaît pas. Ce grand sensible au cœur tendre est un véritable ami sur qui on peut compter. Parfaite incarnation de la force tranquille, Hugo a tout pour plaire. Il sait écouter et garder un secret. Idéaliste, les grandes causes lui importent beaucoup, mais il rejette catégoriquement la violence sous toutes ses formes. Hugo aura également à cœur de faire de l'élu une personne heureuse. On aime les Hugo, j'espère que vous avez des Hugo dans votre entourage, nous les embrassons, et je vous dis à très vite, à très bientôt, pour un nouveau prénom. Au revoir. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un jour, un prénom. Un prénom, un prénom. Un jour. Un jour, un prénom. Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut. Je joue mal. Hello everyone. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons dans l'ouest de la France pour essayer d'en savoir un peu plus sur Hugo Soulard. Hugo Soulard. Suivez-moi. Here we are. We're in the on west y of est France. Nous sommes à Nantes, une ville de l'ouest de la France et plus précisément dans le quartier dans lequel Hugo habite. On va demander à des passants pour voir s'ils le connaissent. Hey, sorry, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Connaissez-vous Hugo Soulard? Hugo, oh yeah. Hugo, bien sûr que je le connais. Tout le monde le connaît ici. Vous pouvez pas le louper. Un grand gars, pas si grand, avec des cheveux roux, mais pas si roux. Une grosse barbe, bien rousse celle-ci. Il est toujours bien habillé, mais jamais trop bien non plus. Dans le quartier, on l'appelle Dormund, Douls, Doulard ou Doulardon. C'est un sacré personnage. Est-ce qu'il vous arrive de le croiser? Si je le croise, ça m'arrive un peu. Mais il aime bien rester chez lui, vous savez. Il paraît que des fois, il invite des collègues à manger. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. C'est un sacré cuistot, vous savez. On dit qu'il a toujours un bout de fromage dans son frigo. Une bonne bouteille de rhum arrangé, de l'absinthe, une petite bouteille de rouge. Entre raclette, rougail, saucisse et poulet à l'indienne ou à la libanaise, apparemment, ils se mettent des sacrés pétés dans son appartement. Est-il violent ? Violent ? Oh, vous savez, il lui est arrivé quelques embrouilles. Fracture de la clavicule, quelques dents cassées, une double fracture de la cheville. Il paraît même qu'un jour, il s'est ouvert la mâchoire. On dit que c'est sa petite sœur qui a fait le coup, mais elle n'a jamais osé avouer. Vous savez, ça dure depuis toujours, cette histoire de violence. Petit, il aimait prendre des baffes. Un ami de la famille m'a même dit qu'il mettait des coups de boule et qu'après, il rigolait. La rumeur dit aussi que quand il avait 3 ans, il a traité son papy de con. De con ? Oui, de con, je vous jure. Et quand son papy lui a demandé ce que ça voulait dire, il lui a répondu, c'est de l'espagnol. Un voisin m'a dit qu'il avait des origines espagnoles. Est-ce que c'est vrai ? Alors écoutez, on est sûr de rien dans le quartier. Mais si je peux me permettre, j'ai un extra vidéo hyper rare qui pourrait vous plaire. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur le dark web. Ouvrez bien vos oreilles. Hugo, qu'est-ce que tu as dans ta main ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un couteau. Avec qui ? Avec Hugo. C'est quoi ? Un sapide à l'eau-chauval. C'est bien. That's insane. C'est complètement fou. Alors, vous avez entendu cet accent espagnol ? Je ne suis pas un pro, mais je crois que ce que je vois. Et là, je vois bien Hugo Soulard, enfant, qui parle d'une photo de lui avec un cheval. Et il parle avec un fort accent espagnol. Il paraît même que sa mère a changé de nom. On dit qu'avant, elle s'appelait Maria José. Mais pareil, ce ne sont que des rumeurs. Est-ce que vous auriez d'autres anecdotes le concernant ? Des anecdotes, bien sûr, tout le monde en connaît quelques-unes, mais on ne sait jamais si c'est vrai. Il paraît que lorsqu'il mange chez ses parents, des gens très respectables d'ailleurs, il arrive toujours à sortir de table sans que personne ne s'en rende compte. Et du coup, il ne débarrasse jamais la table. Apparemment, c'est assez incroyable. On peut dire que c'est son super pouvoir, oui. C'est vraiment une personnalité incroyable. Vous savez, mon cousin m'a dit qu'il était allé au carnaval de Dunkerque il y a quelques années. À cette occasion, il aurait eu quelques épiphanies, dont deux très sincères. Ça l'a complètement changé. Ce n'était plus le même après ça. Il paraît que depuis, il s'est fait tatouer un samouraï sur l'épaule, ainsi qu'une petite grue sur le tibia. Crazy, man. Bon, je dois vous laisser. Ce soir, je joue en ligne. Il paraît même qu'il y aura 12. Merci pour votre témoignage. Il est maintenant temps pour nous de retourner dans notre cher pays, les États-Unis. Et n'oubliez pas, restez branchés, restez cool et restez chez vous. Hugo Clément Soulard, toute l'équipe de Radio Boncon vous souhaite un joyeux anniversaire. Le commissaire Meret pouvait pas s'en passer. Et le capitaine Haletant l'avait toujours eu en stock. Simenon et Brassens en possédaient plusieurs. Et Watson disait à Sherlock, c'est très bon pour le cœur. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher, un petit calumet de la paix, juste pour s'endormir en paix. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher. Dans les dents, ça fait tomber la fièvre mieux qu'un tranquillisant. Une bouffée par-ci, une bouffée par-là, avant d'aller au lit, il n'y a pas meilleur que ça. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher, un petit calumet de la paix, juste pour s'endormir en paix. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher. Par le petit bout du tuyau. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher, une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher. By the putties out on stuff for bare shoes and left the attic and his mum when he's fooling around with a bumblebee talking about love for £2.20. You go come back, you go come back, love is a trap, love is a trap. Where well, you go come back, you go come back. Oh, you go come back, you listen to your friends, cause love's always a trap in the end. You go to spy the lost in a city, nothing to eat and his bag is too heavy, full of disillusion. You go for a sleep and got crushed by bike's white weight. Oh, you go come back, you go come back, love is a trap, love is a trap. Why well, you go come back, you go come back. Oh, you go come back, listen to your friends, cause love's always a trap in the end. And you go, you are not one of those fools, I beg you, please don't follow their rules. And you go, I beg you, please, would you come back to me? Because love's the trap, it's so trapped tonight. You go, come back, you go, come back. Love is a trap, love is a trap. Well, you go, come back, you go, come back. Oh, you go, come back, listen to your friends, cause love's always a trap in the end. Go the spider, put his hat on, just a full pair of shoes and left the attic, and his mum while he's fooling around with a bumblebee talking about love for £2.20. And you go your mother while she puts her hat on, spat on every girl and said goodbye to her beloved son. And you go your mother. back, you goes no back. Oh, that was a trap. That was a trap. Why you goes no back, you goes no back. Oh, that was a trap, ain't it? And you goes no back. My doubt is the end, 'cause that was a trap again. You go come back. Oh, you go come back. You go come back. Bum bum, you go come back. You go come back. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi, et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodue, la mère Ubu. Bêtes et méchants, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pouf pan avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute connue, la mère Ubu. Où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, tout à cul, maître dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout connue, la mère Ubu. Il avait un zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout connue, la mère Ubu. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout connue, la mère Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodue, la mère Ubu, la mère Ubu. Et il avait un tout petit zizi et un gros cul qui s'appelait le père Ubu, père Ubu. Sa madame était une femme infâme, femme qui s'appelait la mère Ubu, la mère Ubu. Il avait un tout petit zizi et un gros cul qui s'appelait. Tout il avait un tout petit zizi et un